Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap 7 Gecko sur Skyrock. C'est parti en direct. 7 Gecko est là. Ah, tu manges. Putain, le blanc, je me suis pris une de ces crampes. Non, tranquille, j'étais en train de mettre mon casque. Tranquillou. Ça va bien? Voilà, on met son casque comme à Phuket sur la choupette et à Sky. Bienvenue. Merci à toi, mon loup. Comment tu te sens à 24 heures, même plus maintenant, hein, parce que les gens qui ont précommandé, il paraît même qu'il y a des gens qui ont reçu leur box dès ce soir. On commence à leaker, il y a des liens, on essaie de tout faire sauter, mais vas-y, c'est bon. Ça y est, là, on a réussi à le maintenir secret. De toute façon, c'est lâché. Le secret le mieux gardé du rap français. Maintenant, il ne t'appartient plus. Voilà, il appartient au public. De toute façon, je l'ai fait pour le public. Ouais, Professeur Punchline, d'ailleurs, ça fait quoi de savoir que c'est un album comme. T'as travaillé quand même depuis deux ans dessus, hein, depuis le précédent. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est la seule fois où j'ai zéro pression, frère. Détendu. Voilà, détendu du. Et on connaît la suite. Voilà. Pour les plus fidèles de cette Gecko, ils connaissent forcément la suite. Donc t'es bien. Je suis zen. T'es content parce qu'il y a eu tout un travail, c'est vrai, on l'a dit aussi sur l'image, évidemment, avec cette pochette, avec les clips, hein, les nombreux clips déjà qui sont arrivés. Ouais, ouais, on a vachement bossé sur l'image. C'était important pour moi de faire un retour avec des gros clips, une grosse pochette, etc. C'est un nouveau set qui est là. Bon, si vous avez récupéré la box déjà, ou alors si vous avez récupéré le son de 7 Gecko, dites-nous. Voilà. Vos morceaux préférés, vous balancez avec le hashtag 7 Gecko sur Skyrock. Sinon, on va continuer à découvrir. Je crois que nous avons un titre inédit ce soir qui s'appelle Machine à laver, si je me plante pas. Aussi, ouais, qui est pas sur l'album, mais que j'ai fait pour promotion de l'album. Voilà, c'est un gros freestyle Kaira. On va passer à le duo avec Missa aussi. Mm-hmm. Un morceau un peu plus ouvert que j'aime beaucoup, moi. Avec la meuf du moment, il est d'actualité, ce morceau. Il est d'actu, on pourra le découvrir, en parler d'ici quelques minutes. Et puis on va débuter avec le 7 Gecko Bar. Moi aussi, tiens, je suis venu avec une exclue ce soir que je vais te faire découvrir. Je sais pas si tu l'as entendu d'ailleurs, c'est le nouveau son de La Crime. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Qui s'appelle J'ai Mal, qu'on va découvrir. La Crime qui prépare son projet aussi Rip Pro 2, qui va bientôt se rendre. Hein, je dis ça, La Crime, puisqu'il l'avait annoncé, c'est pour bientôt. Vous serez au courant, évidemment. Et eh bien, il nous a balancé en exclu un morceau de Rip Pro 2 qu'on écoutera d'ici quelques minutes. Ouais. Donc dites-le autour de vous. La Crime qu'on retrouve à tes côtés aussi. Sur l'album, ouais, comme ça qu'on fait. Mmh. La Crime qui est venue me voir à Phuket, on lui a tourné un clip, Sablier. Il a joué le jeu jusqu'au bout. On peut le retrouver dans le clip 7 Gecko Bar aussi, puisqu'il est venu s'accouder au comptoir, boire, s'envoyer quelques verres. Grosse force à lui. Et bon, pense à lui très fort, lui en tout cas. Et sa famille. Voilà, à tous ses proches. Tiens, bon, soir. Ma gueule. Et on écoutera donc ce morceau dans un instant, mais là, on débute forcément avec le petit tour habituel. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de la soirée, c'est le 7 Gecko Bar. Allez. J'ai envie de dire, coup d'envoi. Allez, on fait péter la cloche. Gecko Bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loup-bar, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sap. Tu veux du taf, passe-moi ton number de tôle à sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Et si les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la pillage et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman. Je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h. La fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur. Et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les zookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer. Y'a pas de feeder, le portier c'est Bobo. Qui n'y a opé le bar fine à la go-go. I'm in love with my noix de coco. À 12 000 km de Saint-Ouen Lolo. T'achètes doudoune, j'achète short de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est les avec l'homo Bob Chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la pillage et de la grosse cochonne. Cette gecko bar en dessous du gossip. Soir on piaffe comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que je suis mao, ciao, I go sleep. Deux bouteilles, on place au VIP sucrète. T'es venu en Thaïlande grâce à Bouska Phuket. J'rappe pour les cailles dans la salle. Tatoué comme taille de la sign comme Latinos. Les yeux rouges comme un albinos. J'ai soif amigos, paye ta salitos. J'mettais Versace avant les Migos. C'est la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. Dis bonjour d'abord, Mathieu. Son est en prison. Je mets une grande baffe dans la gueule. Moi, tu attends son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Viens te battre dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Le Planète Rap, 7 Gecko Bar à l'instant. Avec 7 Gecko, notre invité sur Skyrock. Mais vous êtes une sacrée bande de salopards quand même. Vous m'avez laissé un téléphone pour que tout le monde m'appelle. C'est vrai, c'est vrai. Mais y'a pas de crédit pour envoyer des SMS et répondre aux gens. Bon, foireuse. C'est parce qu'on est en développement de budget. Ah, c'est... d'accord. Voilà, le budget pour l'année 2015 était. En même temps, je dis ça, j'aurais pu mettre une recharge. Ça aurait été sympa. Le budget était un peu clou pour cette fin d'année 2015, mais promis, hein, quand tu reviendras. Merci pour tous les messages de soutien. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Et je rappelle un numéro, c'est simple, c'est 06 71 74 84 15 pour joindre 7 Gecko à n'importe quel moment. Voilà. Quand tu as envie, tu décroches. Ça marche. 06 71 74 84 15. 15 pour joindre 7 Gecko. Tu veux prendre quelqu'un? Ça sonne ou... Bah alors ça sonne pas encore, mais dès que la grosse cloche sonne, dès que la grosse décroche. Cloche, ça devrait pas tarder, mais je pense que il y a aussi parfois pas mal d'embouteillages parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'appels. Ouais. D'ailleurs demain soir pour la dernière aussi, on fait une petite compilation des messages laissés sur le répondeur de 7 Gecko. Ouais, demain on terminera la semaine avec un gros freestyle aussi. Donc gros freestyle, il y a pas loupé de demain soir. Ce soir, il y a du live de prévu? Non, ce soir si on fait découvrir des titres là, ça y est, l'album il est dehors un petit peu, les gens commencent à faire tourner les morceaux. Donc on va se régaler et là c'est un putain d'auditoire, c'est Skyrock. Là, j'aurais peut-être pas l'occasion que les titres soient aussi écoutés que ce soir. Donc, on va se faire un méga plaisir de balancer des titres. Surtout des invités qui sont venus me voir au bar. C'est comme ça que je leur renvoie l'ascenseur. Par exemple, Shintawaz. Par exemple, Shintawaz avec Grady. Avec Gradure, évidemment. Qui sort son projet. Qui est passé, le, qui est passé par le 7 Gecko Bar, Gradure, non? Et comme je dis dans le morceau 7 Gecko Bar, ouais, c'était le Zbeul avec le Mobob chez Gay. Quand il était là, c'était le feu dans le bar. C'est vrai, c'était. Il a joué le jeu, il a pris le micro tout seul, on s'est chez là, on a rigolé, ça a dansé, ça a rappé, ça a fait des photos avec tout le monde. On en a capturé quelques images pour insérer dans le clip, mais c'est comme ça que ça se passe dans le 7 Gecko Bar, Phuket, Bangla Road, 29, à côté du KFC et du Burger King. Simple à trouver. Est-ce qu'il y a d'ailleurs d'autres bars dans ton genre, j'ai envie de dire, mais tenus par des Français, mais de... Si, il y a plein de bars français, mais personne n'est professionnel du hip-hop, donc ça peut être que le seul endroit thug, c'est le mien. Mais il n'y a pas d'autres personnalités, même étrangères, qui ont ouvert des bars du côté de... C'est innovateur. C'est vrai, bien. Tu es le premier. Voilà. Tu es le premier. Et le 7 Gecko Bar, il est ouvert, donc tu le dis dans le morceau, de 20h à 4h du mat. Voilà. Voire plus. Voilà. C'est dur là-bas d'ailleurs, législation, c'est compliqué ou pas? Ouais, ouais, des fois le pays là il est sous loi martiale, donc tout doit fermer à 2h. Mais on arrive, voilà, il y a des pots de vin, des trucs, on essaie de repousser les fermetures comme on peut. Bonjour monsieur la police, tenez, c'est là. Voilà. Hop, c'est l'enveloppe. Ceux qui essayent d'ouvrir la fermeture et à ceux qui repoussent la fermeture. 7 Gecko avec nous, qu'est-ce qu'on part sur Shintawaz maintenant? Je pense que ouais, j'ai charbonné comme un chinois pour cet album là, donc se balancer Shintawaz est de rigueur. Et ben on le balance tout de suite et puis. Gradure. Peut-être qu'on retrouvera Gradure, qui sait? Chez Guevara 2, le 27 novembre. Restez avec nous, le Planète Rap 7 Gecko. C'est demain dans les bacs pour 7 Gecko. Ça aussi, c'est un de mes morceaux préférés, celui-là. 7 Gecko. Alors calme ta wash, on est plein comme les Shintawaz. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. Qui paye ses ardoises s'enrichit, fait du nettoyage, y'a des traîtres ici. Versace, Versace, la méduse te pétrifie. Elle s'asphyxie. Quoi? Lorsque j'appuie sa tête. Qui ça? Elle a eu les yeux plus gros que la Schneck. Comme qui? Comme Anissa Kate. Bah. on attend qu'une chose, c'est qu'à Paris ça pète. Flic contre Kaira, Kaira qui tire aux roquettes. Bam. S'il était légal de tuer beaucoup, ne serait plus sur la planète. Le string du rap est tendu comme une arbalète. Je suis venu jouer la harpe avec, je te plante avec le pic de la fourchette. Des insultes ta mère comme Gilles de la Tourette. Je mets des paf d'Obélix, les pétasses m'obéissent. Au doigt et à l'œil comme fusil à lunettes. Le Borghini, taille réelle, pas majorette, t'as mal majoré. L'Eden nous raquette pendant que le net a fait pousser les couilles aux tapettes. Je suis carnassier, les couilles en or, j'ai le cœur en acier. Mes punchlines tombent du ciel, j'ai plus qu'à ramasser. Si tu veux pécho, tu sais où aller. Mes cartes sont pas musulmanes, mais pourtant elles ont l'air ouvertes. J'suis pas ton pote alors calme-toi. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. Les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. La peu épongue, t'es pas de moi un wash. J'accélère et guéla. Les veugues sur l'asphalte, ils m'attraperont pas ces fils de lâche. Oui. Je roule joint au bec, sur leur un tel comme pas épec. Aucun de ces bâtards ne peut me la mettre. Et la K47 traverse même les becs. Le bloc dans la bouche, la bite dans la chaise. Si mon arme te check, la mort te guette. Chegue squad, charbonne dans ta poche en pile que le Shintawas. Laisse-moi rentrer dans ta poche, que j'y fasse du nettoyage. Je frappe comme Tyson dans son fion, Tina Turner, Bobby Brown. J'attrape par le chignon comme un poisson dans l'eau. Faut que j'y aille au fond. On charbonne matin, midi, soir pour la maille. Pour des salaires de merde, ça fait mal. Papa veut se barrer au blé. Maman veut voir le bébé sortir de la chaîne. Le buzz et les soucis, le pouvoir, le succès, les salopes veulent sucer le buzz qui me reste. Le chèque est trop haut pour calculer tous ces négros. Je suis sur sommet de l'Everest. Et l'index fait des guilis guilis sur mon pharmace mini. Ça fait zdédédédex. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Je suis grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On charbonne comme les Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Ce morceau il me rend dingue, j'ai hâte de le faire sur scène. Je comprends. Voilà, ça va être une bonne partie de plaisir. En même temps, il y en a plusieurs sur l'album. Tu dois avoir hâte aussi de faire les scènes, hein, parce que. Tu sais que, ouais, tu en parlais de ça. Tu me disais, mais cet album-là aussi, j'ai fait pour défendre les titres sur scène. J'ai vachement fait des gros refrains fédérateurs, etc., pour vraiment prendre du plaisir sur scène, parce que finalement, je passe plus de temps à faire les morceaux sur scène qu'à les écouter dans des voitures, etc. Donc c'est un concert pour la scène, ça. Enfin, un CD pour les concerts. T'as déjà une petite idée justement de l'ouverture sur scène, quel morceau dès les premières minutes du concert? J'ai pas encore élaboré mon plan de guerre. Bon, c'est le 20 novembre, hein, je dis ça pour les Parisiens. Trabendo na bendo. Au Trabendo, et puis sinon, donc en 2016, grosse tournée aussi, hein, c'est ça? Là, on ira se déplacer dans toutes les villes de France les plus grosses. Pour défendre l'album et faire plaisir au public. Donc Seth Gecko, Professeur Punchline, ça sort demain, ou alors pour les plus chanceux, déjà vous l'avez à la maison. Bon, je prends un Totor au téléphone, je vois que ça arrête pas de sonner. Vas-y, 06 71 74 84 15, c'est la ligne directe pour joindre. Tiens, t'es en direct, mon loubar. Oh là là, oh ma couillasse. Alors chie pas dans ton slip, mec. Oh là là, mais t'es un Seth Gecko, mon gars. Ça va, ma bonne couille? Ah putain, merde, j'y crois pas prendre. Eh ben si tu peux te pincer, tu rêves pas à ma gueule. Oh putain, merde, c'est Gecko quoi. Salut les gars, salut. Ça va? Y'a l'album qui sort demain, ma bonne gueule. Ah mais t'inquiète pas, je serai là en fait. Y'a Fred qui est en train de tweeter les punchlines tellement il a pété les plombs. Là, je suis en train de noter les punchlines une par une. Moi je prends un cours tous les soirs. Hein. Attention, il s'appelle comment alors? Il vient d'où? Comment tu t'appelles, mon grand? Et la couillasse? Adil. Ah. Allô. Il s'est pendu avec le fil du téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé, Adil? T'as pas vu, il était content, il a dû splutcher dans son jean et ça a bugué. Bon, bah on le salue. Envoyé en tout la cas. Sauce. Voilà, on le salue. Salut, mon loubar. 06 71 74 84 15 pour Jean. C'est littéralement chié dessus. C'est fou, hein. On en prend un autre. Allez. Vas-y. Allez, à ton tour, mon gars. Allô. Aïe. Oh, ça va et toi, ma bonne couille? Ouais, ouais, du lourd, du lourd. Tranquille, t'as ton album qui sort demain. Tu sais, c'est qui te parle, là, au moins? Hein? Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Y'a de la merde dans le tuyau ou quoi, mon pote? Non, capte bien, hein. Je suis sur le même réseau que ta carte aussi, mon frère. Voilà, est-ce qu'il va aller acheter jour, l'album, ouais, quand même? Est-ce qu'il va se procurer l'album? Voilà, tu vas soutenir, ouais, bien, t'es un homme, mon pote. Non, mais c'est comme ça que ça marche, de toute façon. Ça, c'est une notice, cet album-là, c'est une notice, c'est un mode d'emploi pour devenir un homme. Donc, il te le faut impérativement, mon pote. Exactement, et t'as fait pour, tu vois, ça fait longtemps que t'es dans le game aussi. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, mon pote. Eh oui, ça commence à compter, hein. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est que ça. On fait ça demain, mon pote. Ouais, c'est bien parce que tu restes vrai aussi, tu vois. Contrairement à d'autres sans citer de nom, très très bien. Ouais, merci mon pote. Tu t'appelles comment? Maxence. Ah, Maxence, il est d'où, Maxence? T'es d'où, Maxence? De Rennes, Maxence de Rennes. Voilà. Et ben merci à Maxence. J'ai un pote à moi aussi qui le suit, je tiens à lui faire une petite dédicace s'il écoute, Mickaël Picard de Rennes. Et ben, une grosse dédicace à lui, mon pote. 100% gecko, tu vois. J'adore ça, c'est un gecko youth, mon pote. Exactement. Non, merci pour le soutien, ça fait plaisir, gros. Bah ouais, bah tu sais, de toute façon, hein, t'as pas besoin du mien, t'en as besoin de... Enfin, détrompe-toi, ça donne toujours de la force. On a une émission à faire, mon loupard. Maxence, on se dit à la plus. Mais et... il était bon, Maxence. J'adore, lui. Il était bon. Allez, je t'enverrai des petits messages ce soir. Merci. Salut, mon gars. Tu vas prendre une carte. Bah. Maxence avec nous et Seth Gecko. J'avais promis en début d'émission le son de la crime. On va le découvrir. Tu l'as ouais. pas promis, je pense, celui-ci. C'est un morceau qui s'appelle J'ai mal. Non, mais c'est inédit. Mais alors, donc ce soir, ça va être la soirée la crime. Parce qu'on va passer aussi en inédit après, notre morceau qu'on a fait tous les deux. Donc, ça nous permet de saluer la crime et de donner de la force. Plein de force. Beaucoup de force à la crime. Ça sortira au mois de décembre. Et franchement, ce morceau. Attention. C'est un super morceau. Voilà. Ah! On va l'écouter maintenant, vous allez le découvrir, vous pouvez réagir aussi. Et alors attends, on me dit que dans l'oreillette, juste avant de passer le morceau de la crime, nous avons quelqu'un par téléphone, il faut que tu dises allô. Allô. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça va, Grady ou quoi? Au rire, je reconnais tout de suite. Moi, t'as pas eu le temps de venir, hein? C'est gradure. Ouais, j'ai pas eu le temps de venir, frérot, j'étais encore à Marseille. Là, il y a air, mon pote. Bah, en même temps, je comprends, t'es bien à Marseille, gradure, non? Ouais, ouais, j'ai fini tard là. Je suis avec Jules. Ah, avec Julien. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare, Gradure? On part là, c'est Guevara 2, le 27 novembre, avec des gros featuring noirs. Et puis en attendant, donc la sortie demain, Shintawaz aussi, on te retrouvera sur le projet de Seth Gecko. Voilà, grosse force à mon frérot Seth Gecko. Aïe. On est ensemble, ça bouge même pas en Thaïlande. Ah là. Gradure. Ce qui paraît, t'arrives en haute saison là. On m'a dit, j'ai eu dans l'écho que tu revenais foutre le sbeul cette année là. Ouais, je vais revenir, tu connais, j'ai pas le choix. Voilà. Et Gradure, de force. Gradure, quel est le souvenir de ton dernier passage dans le Seth Gecko Bar? Dans Seth Gecko Bar, j'étais défoncé. Étonnant. J'étais défoncé. Ah, ils ont descendu la bouteille de Jack plus vite que prévu. Ouais, ouais. J'arrivais même plus à marcher. Il paraît que tu as pris le micro aussi, que c'était assez incroyable. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Que de l'amour. Voilà, en tout cas, grosse force à toi. On est ensemble demain. Dès que je rentre là, je vais aller acheter ton projet. Aïe. Bon, pas. Vous l'avez enregistré où d'ailleurs, Shintawaz? Vous l'avez fait là-bas aussi? On l'a fait en Thaïlande, ouais. Ah, vous avez fait en Thaïlande, donc c'est un morceau 100% Thaïlande. Voilà, celui-là et le clip en France. Voilà. C'était avant le bar ou après le bar, Gradure? C'était après. Après, ouais. Il est venu plein de fois, Gradure. Il est venu une fois, il est revenu direct. Mais le jour où j'ai posé, je me suis. Parce que j'avais pas la force d'écrire. Donc j'ai teasé. Il s'est sorti tout seul. Il est sorti tout seul. Incroyable. Il est là, Mila. Mila, on est ensemble, frérot. Ouais. Je même pas. Bientôt, je reviens là en Thaïlande. Vas-y, on t'attend, mon pote. Ouais, et puis on t'attend aussi pour chez Guevara 2, hein, 27 novembre, ouais. Gradure. Avec le Bob. J'ai eu mon Bob, mon gars. Je t'envoie la photo directos. Voilà, lourd, en précommande sur la Fnac. Tu vois ou pas? Voilà, chez Guevara 2, ça arrive le 27 novembre, juste avant mon anniversaire. Dessus, il y a Booba, il y a Jules. Il y a Nekfeu, il y a Black M, il y en a plein d'autres. Il y a Lacrime, il y a Lenzo, il y a Niska, il y en a plein. Un sacré tracklist en tout cas, beaucoup d'invités dessus. On a essayé de faire un gros projet, on a fait deux côtés, tu vois ou pas. Le côté rap, Gradure comme d'habitude. Et j'ai essayé de chanter, faire des petits trucs, comme Rosa et tout. Et ah, tout. Moi j'adore le et Rosa, voilà. Rosa, Rosa. D'ailleurs, voilà. On va passer ce soir hein, le morceau que t'aimais bien, que je te faisais écouter en Thaïlande. Là, c'est la meuf du moment. Tu te rappelles ou pas de ce morceau-là? Ouais, c'est lourd. Et ben, on va le passer. Et ben, on va le passer dans un instant. Bah, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Gradu, on t'attend. 27 novembre, à pas louper. Vous avez entendu les invités qui seront dessus, les invités qui seront présents. Ce soir à minuit. Et magnifique. Donc on peut se procurer en même temps Professeur Punchline et précommander le tien. Avec un beau t-shirt Professeur Punchline et le Bob chez Guevara 2. Comme ça t'as un putain de soir de gangster, mon pote. Voilà, c'est lourd. J'attends ton t-shirt. Hein. Ah, il arrive. Merci à toi, Gradu. C'est à toi, frère, on est ensemble. Si, merde, mon merci à toi, en tout cas. Et puis on t'attend rapidement, à très vite. Vas-y, Fredo. Au cas où j'attends ta photo, moi aussi. T'inquiète, le Bob, ça arrive. C'est le seul truc qui me va à peu près bien. Les casquettes, non, mais les Bob, magnifiques. J'ai une dégaine avec les Bob, incroyable. Un vrai pêcheur. Bien, profite, parce que bientôt tu vas perdre tes cheveux. Profite. Oui. Merci pour le petit compliment, salaud. Vas-y, c'est bien. Allez, vite. Ciao, passe une bonne soirée. À l'instant, donc Gradur, voilà, Gradur, quelqu'un qui est vraiment, je trouve, voilà, qui apporte beaucoup de force aussi. Ouais, pareil dans ce rap français, qui n'hésite pas à défendre les projets des autres, qui a une super vibe, je trouve, Gradur. Il a apporté quelque chose de nouveau. Ouais, et puis en dehors de ça, artistiquement, il a apporté aussi. Il a apporté aussi autre chose. Ouais, lourd. Alors, j'avais promis le son de la crime, on le balance maintenant. Allez. Ça, c'est pas sur ton album, ce sera sur le projet de la crime. C'est un morceau que vous allez découvrir maintenant, en exclu. Vous réagissez, le morceau s'appelle J'ai mal. Exclu dans Planète Rap. Repro 2, ça arrive au mois de décembre. Et on envoie beaucoup, beaucoup de force à la crime. J'ai grandi banlieusard, je traînais tard le soir. Les lumières ne voulions voir de l'or et de l'ivoire. Ils voulaient pas nous croire, faut marquer l'histoire. Des rêves de pouvoir. Petit, j'ai quitté l'école, un talent gâché. Impossible de bouger quand le daron m'attachait. Je voulais m'enfuir pour m'envoler. Faut prendre de l'élan et tu finis par terre. Raison ou tort, pour des sous voler de l'or. Mais je n'avais pas de repères, quel monde de chien. Les embrouilles avec les porcs, ils nous chassent comme du lapin. Oui maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. Oui maman, je vais faire. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. Ah, je m'aime plus, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout, je garde tout. Je m'aime plus, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout, j'assume tout. Faire de la fraîche, on sait le faire. Parmi quelques petits excités. Je n'ai pas sur les bords de ma cité. J'étais solitaire, je rôdais dans Paris. Au pied de la tour Eiffel, rêvant toute la nuit. Au commissariat, nos têtes en photo. Alors qu'on est dans les îles ou sur un bateau. Ma rancœur, motivé, on vit pour la part du gain. Oui maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. Oui maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt. J'ai perdu des remords sur mon passé. Elle se fout de nous. Je suis pas mauvais, mais l'argent nous fait faire des trucs de fou. Je m'aime plus, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout, je garde tout. Je m'aime plus, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'assume tout. J'ai même plus où j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout. Je garde tout. J'ai même plus où j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout. J'assume tout. gros morceau, hein, celui-ci de la Crime. Ouais, voilà. Ouais, il, serait, il me touche doublement ouais. Parce qu'il me fait rappeler une instru de Mobb Deep, Nas, mm-hmm. It's Mine, avec un sample de Scarface. Et à l'époque où Mister You, il était béton, on avait fait le Zugatta Birthday. Et c'est la première fois où la Crime, il faisait un freestyle sur Génération. Mm-hmm. Il avait, je lui avais conseillé de rapper sur cette prod-là. Et là, voir genre. Et d'entendre ce morceau ouais, quelques années après. Ouais. Ouais. Lourd, lourd, lourd la crainte. Et ben voilà, on salue en tout cas une fois de plus la Crime. On lui souhaite beaucoup de courage là, pour les mois qui arrivent. En attendant, il y aura aussi Repro 2 qui arrivera au mois de décembre. Ouais. Et puis on pensera à lui donc très fort, voilà, à lui, à ses proches et à toute sa famille. Et en tout cas, voilà, la Crime, on était content de passer ce morceau. C'est un des très beaux morceaux. Et puis il y a d'autres, j'ai pas tout dévoilé, mais sur Repro 2, j'ai eu la chance d'écouter quelques morceaux. Ça met encore l'histoire un peu plus haut. Ça continue. C'est lourd. Bah, y a la Crime aussi. Et la Crime qu'on retrouve, d'ailleurs, qu'on va écouter dans un instant. C'est un morceau que vous avez enregistré ensemble aussi. Ouais, en Thaïlande aussi. Ouais. En Thaïlande. Avec du Jack Daniel aussi. Ouais. Ah bah. C'est ça, décidément, là. Jacques et Daniel sont des sacrés compagnons. Voilà. À défaut de Jackie et Michel, Jackie et Daniel. Jack et Daniel. On écoutera ce morceau dans quelques minutes. Seth Gecko, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Ouais. On est à quelques heures de la sortie maintenant. Allez précommander. Allez précommander. Ah ouais, ceux qui l'ont préco sur iTunes, ils le reçoivent à minuit là. Et puis. Il y a quelques magasins qui l'ont mis en place aujourd'hui, donc il y en a qui ont l'album. On revient après ça ? Allez. Après ça, c'est la pub. Ça marche. Ça te va ? Un coup de pub ? Allez, go. À toutes. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Seth Gecko. Skyrock. C'est Seth Gecko, notre invité entre 20 et 21. L'album, ça sort, ça y est là. Plus que quelques heures à patienter et vous l'aurez, si ce n'est déjà fait. Mais c'était pas une pub là qui vient de passer, c'était la trilogie des Seigneurs des Anneaux, mon pote. T'as trouvé ? Ouais, je commence à m'ennuyer. C'est un peu long, ouais. T'as trouvé que c'était un petit peu long, ouais. Parlons à musique. Ouais, l'album sort demain, mais il est déjà un peu dispo partout. À minuit, il arrive sur iTunes. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment en termes de punchline. Professeur Punchline, je rappelle aussi que dans cet album, si vous l'achetez en physique, possibilité de partir à Phuket. Avec ce ticket gagnant. Le Golden Phuket, le Golden Ticket. Une chance au tirage, une chance au massage. Qui est une petite carte de visite que vous verrez dans l'album. Il y a un numéro, il faut gratter derrière. Pour deux personnes. Pour deux personnes, vous grattez. Ça, il y a un site internet dédié. Il y a aussi une application sur mon Facebook, Seth Gecko, pour reproduire la pochette et faire ça, pour ceux qui regardent en live. Alors pour ceux qui regardent en live, grosso modo, c'est la main, c'est ton tatouage, hein, ce tatouage que tu as fait. Et tout le monde peut faire ça comme avatar, comme photo de profil, c'est marrant, envoyez, on reposte les plus marrantes. Donc c'est l'application qu'on trouve sur le Facebook, hein, c'est sur ça. Le Facebook, Seth Gecko. Seth Gecko avec nous, on avait promis le morceau avec la Crime. Eh ben ouais. Ah. C'est une belle manière de le soutenir. Eh ben une manière de soutenir la Crime maintenant sur Skyrock, c'est sur le projet de Seth Gecko. On va leur montrer comment on fait. Qui sort demain. On y va, on balance ? C'est parti, montre-leur comment on fait. Yeah. Seth Geeks. La Crime. 9-5. 9-4. C'est comme ça qu'on fait. 9-4. Ta meilleure punchline, c'est que t'en as jamais fait. Passe-moi le micro, je vais te montrer comment on fait. Passe la cala, je vais te montrer comment on fait. Ra, comme ça qu'on fait. Ra, comme ça qu'on fait. Et ça barode dans la ville en fait fait. Passe-moi le volant, je vais te montrer comment on fait. Passe-moi les clés, je vais te montrer comment on fait. Comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. J'ai que ta mère fait que des passes. On fait l'espèce, on le déplace. Je suis avec cette en direct de Phuket. Les croquettes, on les efface. Putain, je sors du stage pour ma villa. Villa. Sur la quête pour des villas. Villa. Écoute le rap d'aujourd'hui. Ils font pas mieux que Nabila. Pour commencer, je suis défoncé. Quand je vends des litres, toi tu sais pas. Sur quel pied danser. Jamais d'avance, sale fils de pute. Plus de ces chiffres. Pour financer. T'as dénoncé. Le mitard, tu sais pas comment c'est. Ils sont pleins depuis qu'on a que des grenades à lancer. Tu grattes des sous, ferme ta gueule, je suis à l'étage. T'es à l'accueil. T'es vivant, au placard, on s'évade pas de son cercueil. La vérité, tu la connais. Tu n'es personne, t'as déconné. On fait du rap, on t'appelle et toute la rue t'as détrôné. Bam bam bam. Ta meilleure punchline, c'est que t'en as jamais fait. Damn. Passe-moi le micro, je vais te montrer comment on fait. Comment on fait. Passe la cala, je vais te montrer comment on fait. Rien, rien. Comme ça qu'on fait. Rien, rien. Comme ça qu'on fait. Ouais. Ça barode dans la ville en fait fait. Passe-moi le volant, je vais te montrer comment on fait. Passe-moi les clés, je vais te montrer comment on fait. Skrr. Comme ça qu'on fait. Skrr. Comme ça qu'on fait. Ta joue mérite même pas une claque, ton clip même pas un clic. On ouvre pas la bouche d'une pute avec une clé à pipe. Les femmes c'est comme le cristal, c'est beau, mais ça se casse vite. Moi personne m'arrive à la cheville, à part ma bite. Ou peut-être Giant, coucou. L'état, les lois, les flics, j'm'en bats les miettes, coucou. On met que de la haute, coucou. Touche à mon fric, ça part en balayette, coup de coude. Ça ira jusqu'au clic, ça ira jusqu'au boom. Les soucis, c'est comme les bijoux, j'en ai jusqu'au cou. Je vais mettre de la glu sur mon sexe pour que ça colle entre nous. Non, je te lécherai pas le minou si t'as des poils. Entre nous, j'aurai l'impression de rouler une pelle à chaballe. J'aime, j'aime. Par les mailles autour d'un grand cru. J'ai lobé, on sait. C'est la question avec un grand cul. Fais pas le show, cachot, t'es pas chaud d'y aller. Flic facho à grosse diarrhée, et je vais vous nacho Vidal et yeah. Ta meilleure punchline, c'est que t'en as jamais fait. Jamais. Passe-moi le micro, je vais te montrer comment on fait. Comment on fait. Passe la cala, je vais te montrer comment on fait. Comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. Et ça barode dans la ville, en fait fait. En fait fait. Passe-moi le volant, je vais te montrer comment on fait. Comment on fait. Passe-moi les clés, je vais te montrer comment on fait. Comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. Eh ouais, c'est comme ça qu'on fait des duos à Phuket. La crime, Ripro, Set Gecko, Professeur Punchline, dans les bacs, demain, dans les blocs, 6 novembre. Voilà ce morceau avec la crime. Ouais. Qu'on retrouve sur Professeur Punchline. Grosse rencontre aussi hein, sur ce morceau. Ouais, ouais, ouais, mais on n'est pas à notre premier morceau ni à notre dernier. Il y a encore des trucs dans la boîte, dans les tuyaux. Une bonne combinaison. Ouais, ouais, ça fonctionne bien, les grosses voix comme ça. C'est Professeur Punchline, ça sort là dans quelques heures maintenant. On peut toujours le précommander dès maintenant pour récupérer, on peut y aller. Ouais, ouais. Envoyez les screenshots avec les captures écran de l'achat sur iTunes. Nous, on retweet derrière. On viendra vous envoyer des messages de remerciement. De toute façon, chaque gars qui soutient, qui le manifeste, aura des petits messages de remerciement. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est la moindre des choses. Merci à vous. Venez sur les réseaux, on est présents. D'ici un petit quart d'heure, on fera tourner la roulette. Inscrivez-vous avec votre prénom, numéro de téléphone 41759 pour faire tourner la roulette. 41759. Et là, je vous présente Soflo de Toulon. Salut Soflo. Ouais, belle équipe. Ça va et toi Soflo? Ça va, tranquille. Tranquille, ah ça sent bon le sud. Ça sent du sud ça. Ouais, Soflo. Eh ouais. Bon, est-ce que tu attends la sortie de Professeur Punchline? Ah ben avec impatience maintenant. Ça se délire. J'ai quelques extraits, bois et violent. Ah si merde ma gueule. Ah t'inquiète. Et toi tu vas nous faire un truc violent ce soir, j'espère, ou pas? J'espère. On va essayer. Ah voilà. Je crois que Seth Gecko va reconnaître l'instru. C'est parti. Faut transformer l'essai. Ouais. Ah ça rappelle quelque chose. Ce sont des capuches ma bonne couille. Enfoiré, fou allié. Zdélé. Au flot 83 poteau. SFLW, tu connais? Un jour on vit, un jour on meurt, y'a plus de principe, plus de valeur. Dans notre âge, ils ont peur pour une parade de shit. J'ai frite en marchant sur une subbrute, putain, zone illicite, je m'alcoolise, trop me pénalise, trop tous ces gens qui m'analysent, trop. Je les regarde tous avec franchise, oh. Et je me dis, t'inquiète pas, sauf l'eau, tu vises, oh. Sérieux, t'en as pas marre de ce bâtard qui crie ton secret sur le boulevard, je regrette de t'être convié à ce creux. Var, comment peut-on avancer si t'es mal accompagné, ce couplet? Je le crache pour des enculés. Je garde la tête haute, les yeux fixés à mon but, il se peut que ça arrête un baisseron le calbut et je débute dans ce rap toulonnais, mais je veux montrer qu'on va percer pour laisser des traces arriérées. Je grandis, je vieillis, j'apprends petit à petit de la vie. Les récits sont aboutis grâce à celui qui les écrit. Baisser papier, bloc-notes, à moins de trouver la bonne note. Ouais, j'ai besoin d'antidote, pas de canote pour pouvoir marcher comme un putain d'astronaute. Et j'en ai marre car c'est trop, il faut acheter en gros. Pour niquer moins d'euros, le micro je prends incognito. Et tu pourrais m'appeler MC Soflo. Je nique les maestros et Toto, vive les charclos. Je viens de passer les 19 prestiges. Le futur est plein de vertiges et de litiges qui nous obligent à voir moins de prodiges. J'avance par et en face, toujours à la même plage. Dédicace à tous ces rapaces, aux rassenas. Ok, Soflo à l'instant de Toulon, c'était pas mal. Ouais, ouais, ça qui. Pas mal, c'était la, pas mal. La prod, elle est pas facile, elle est rapide. La prod est pas facile, elle est speed, ouais. Ouais. Ah, ben, mais c'est normal, facile. J'entendais un peu en décalé aussi. Oui, c'est normal, sauf parce que t'avais mis la radio en plus à côté de toi. Non, même pas. Ouais, c'est possible. Avec le, parce que le satellite. Bah, ça va, ça vous a plu au moins. C'était ouais, bien, Soflo. Est-ce qu'on peut te retrouver sur le net quelque part? Vas-y, balance quelques adresses. Alors, moi, en fait, je suis en train d'être dans un petit crew, le FF Sound. Donc, faites un tour sur Facebook, les vidéos, likez, partagez. C'est voilà. Quoi? Rappel, vas-y. LFF Sound. LSS Sound. Ouais. Merci à toi, Soflo. Bah, ça va. Dédicace à tous mes collègues, Marsou, Maxou, ceux d'hier, mon frère, tout le monde. Tous ceux du 83 qui se reconnaîtront. Allez, 83 en force. Et tous ceux du 95 aussi. Et tous ceux du 95 aussi, Val d'Oise évidemment. Val d'Oseille. Val d'Oseille. Oh. Tiens, je vais en profiter pour rappeler ma petite pub. Je suis à Argenteuil samedi. C'est pour une belle assoce qui s'appelle Force des Mixités. Donc voilà, une petite dédicace. Pointez-vous du côté d'Argenteuil. On va faire un grand quiz où tout le monde est le bienvenu. Donc loupez pas du côté d'Argenteuil. Renseignez-vous. Je vais remettre l'adresse aussi sur les réseaux sociaux. C'est samedi à partir de 13h30 avec l'association Force des Mixités. Dans un instant, un titre inédit qui s'appelle Machine à laver, qui ne sera pas sur l'album, celui-ci. Ouais. Et on avait dit qu'on mettait aussi un autre morceau. Aussi, ouais. Avec la meuf du moment. La meuf du moment. Donc dis-nous un petit mot justement sur la meuf du moment. Et ben, c'est l'artiste qui m'a envoyé son titre pour faire un featuring et j'ai tellement kiffé le titre que je l'ai gardé pour mon album. C'est vrai ? Je suis comme ça un peu. À l'origine, c'était juste. Lui, c'est une invitation de Missa et j'ai racketté le titre. Et il est sur l'album Professeur Punchline. Ouais, comme quoi, faut toujours tenter sa chance. On sait jamais ce qui arrive. Quand la musique est bonne, cette gecko est derrière, il suit, il partage, il relaie. Tu fais beaucoup justement, je suppose qu'on te demande beaucoup pour des featuring, tu peux pas tout faire. Ouais, on fait pas tout, mais voilà, il y a des trucs qu'il faut faire quand même. Toujours un pied sur le terrain. Et ben on l'écoute maintenant, la meuf du moment, c'est extrait de Professeur Punchline featuring de cette Missa. Avec Missa. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de Ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué. Soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Bébé t'es trop fraîche. T'es trop clean, pas de poils, pas de microbes. Donc j'aime les meufs qui s'épilent. T'as les yeux qui scintillent comme deux pépites d'or. Tu m'empêches de m'idor, tu vois déjà chez Baby Dior. T'en veux encore, t'as cru qu'hier j'étais deux. Donc tu me vouvoies et me dis merci messieurs. Je fais ce que je peux, je fais ce que je veux. Si tu me rends dingue, je sors le flingue quand tu veux. Le sèche-cheveux, méga la veulent, méga l'auront. Elle est petite sirène, je suis mégalodon. J'suis macho, j'sais que c'est vilain. Mais on n'est jamais mieux au chaud que dans un sexe féminin. Moi barbare comme Conan, toi retirer beuge du collant. Toi dépenser thunes pour meuf du moment. Moi faire muscu pour être le bœuf du moment. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de Ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué. Soudainement en quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Sur la tête de ma mère. C'est un son gros cul les rend fous. Gros, il faut que je gère. Car tout le monde parle d'elle tout d'un coup. C'est une question de temps. Ils vont oublier ton dossier. J'te jure. Voilà. Impossible de parler de son boule sans être grossier. Ils parlent trop, mais ils ont aucune logique. 6 mois de tchatch avant de la baiser. Après, ils se vantent entre eux. Mais c'est pas parce que tu kennes que t'es une taspé. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Viens par ici, on va prendre soin de toi. Les écoute pas, les écoute pas. Ils sont sur ton cas. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de Ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué. Soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de Ken pour 3 ou 4 semaines. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué. Soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Un morceau qui la passe dans mon bar. Du moment, celui-ci doit bien fonctionner dans le bar, celui-ci. Il fonctionne, ouais. Ambiance un peu, justement, côté West Coast, côté funk. DJ Mustard aussi, un petit peu. Ouais, DJ Mustard, c'est des sons qui t'ont parlé, toi, justement. Ouais, j'aime bien, moi, des sonorités. Ouais, ces sonorités. Ouais, de ouf. C'est des trucs qui t'ont... C'est ça la musique que tu retrouves au bar un petit peu aussi. Entre deux morceaux Kaira de Seth Gecko. Justement là il y a un peu d'amour. Et juste derrière on envoie un peu de brutalité. Il y a trop de haine en moi. J'avais besoin de manifester un petit peu d'amour. La meuf du moment c'est sur Professeur Punchline là, qui sort d'ici quelques heures. Big up à Missa. Seth Gecko et Missa sur ce morceau qu'on écoutait à l'instant. Dans le même style il y a un jeune rappeur aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Hamza. Hamza ouais. Très très fort. Un morceau notamment qui s'appelle La Sauce et Penchez-vous sur le jeune homme. Donc t'écoutes beaucoup encore, t'écoutes beaucoup de rap français. Ouais, bah lui, tu vois, c'est le genre de gars qui mérite son featuring dans l'année, tu vois. D'accord, donc c'est à suivre. À suivre. À suivre. On met le titre inédit Machine à laver. Allez, ça c'est autre chose là. Donc ça c'est autre chose, ça c'est un morceau. Ça c'est méchant ça. C'est un morceau que t'as enregistré. En Thaïlande aussi. La veille de mon départ pour arriver ici pour faire la promo. D'accord, donc c'était pas prévu du tout qu'il soit sur l'album. De toute façon c'était. Il sera sur une réédition aussi à la réédition. Il y a la réédition de Professeur Punchline. Voilà, donc je vais le boycotter un peu le morceau, je vais crier dessus, tout ça, comme ça tu pourras pas. Le gris. Tu pourras rien en faire. Rien en faire, et ben je te laisse crier. Allez. Cette gecko machine à laver maintenant. Ah. Il se live à la prod, Martinez. Dieu. Oh. Ok. Les blagues racistes, ça amuse que les porcs. Que les porcs. De la testo dans les muscles du corps. Que du corps. La mosquée, c'est la muscu du cœur. La wakba. Ils disent que la musique adoucit les mœurs. La mienne endurcit les mœurs. Gros. Medusa face sur le t-shirt. La thèse dans le pick-up. Bouge ta fesse comme une pin-up. Où ça va chier. Ça va chier. Dans la vidéo. Two girls one cub. Reçois belle et tais-toi. Tais-toi. Tes trous et ma vallée mes doigts. Sus. Enterrez-moi dans la vallée des rois. Plus d'une flèche à mon car quoi. Faut pas rester là. Barre-toi. Je crois du champagne pisse de la Stella Artois. Si tu veux rouler sur l'or, écrase-moi. Les keufs font des passes droits. Les refs font des caches bras. Les meufs veulent leur yajma. Mais une cagole c'est deux neurones. La vie n'est pas trop chère. Asma. Une cagoule c'est 2 euros. Ça me désole que les femmes se rassurent. Les plus gros salopes que j'ai vu c'est des hommes. La rumeur résonne. Je suis venu décapiter leur projet. Les fistés avec le même avant-bras que le capitaine Crochet. Je vais te planter, tu vas plainter. Je pourrais pas éviter le procès. Oh puté. Les violeurs doivent être amputés. Député. En France les voleurs sont députés. Oh puté. Tu fais le fou derrière ton PC. Mais tes couilles sont pas plus grosses que des raisins secs. Tu faisais quoi avant d'avoir internet? Hein? T'arrachais les ailes des insectes. Rasdev, je picole pas, je me désinfecte. Je me bats pour que je respecte. Me lastique et que la street me respecte. Check, mieux vaut être respecté qu'être craint. Qui ont lâché des gros glaires et pété des joints. Alors la ferroviaire va nous éjecter des trains. Chant du coiffeur, tu peux checker la netteté des coins. Check, check, analyse. J'ai toujours su détecter les choix. Toujours, le radar à puce. Alors nous joue pas l'harmonieuse pucelle. Arrête, Anissa Kate. Ta vie n'est pas glorieuse, tu sais. Eh oui. Tu n'es qu'une charbonneuse du sexe. C'est larmoyeuse, y'a qu'au rêve que je ne souris plus. Je pourrais avoir confiance au keuf. Mais ces enfoirés tu. Demain j'ai une soirée pute. Non, une soirée étudiante. Bref, une soirée débutante. Mais elles veulent que la coke soit repue. C'est une fois que le chat est repu qui t'ouvre le cul la souris pue. Et vu que ton cul se dilate assez, a l'air facile à casser. Demain, toi et tes potes parleront de mes punchlines autour de la machine à café. Clochard, je vais baiser ta mère, lui offrir une machine à laver. Je vais baiser ta mère, lui acheter des casseroles. Lui acheter une machine à coudre. Que de l'électroménager. Faut bien s'occuper des darons. Cette gecko. Professeur Punchline dans les bacs. C'est demain, 6 novembre, à 20 balles. T'as le coffret collector avec le t-shirt et la tête de mort de Skeletor. Ah! Et la musique continue. Régalez-vous avec du gros rap un peu sur Skyline. Pas de la musique de ta fiole, ça. Ça c'est mes producteurs, Martinez, Meyer, Cody McFly, Medellin, Cucho, Widim. Les mains faites pour l'or, elles sont sur les platines. Bardis, Lamine, Fléchette, Granit, Néochrome, Anonyme, Bakil. Son clip Gringo est sur YouTube. c'est trop bon le bon rap, mon gars. Machine à laver. Voilà. C'est fou quand même les morceaux et les titres, parfois. Voilà. Que tu peux trouver cette gecko machine à laver. Il y a des pays dans lesquels, des fois, tu couches avec une femme et pour la remercier, tu lui achètes un jeu de vaisselle. Une machine à laver. Une machine à laver. Un frigo. D'ailleurs, avec Lamine, on a fait le remix du morceau. Présente-nous Lamine, parce que c'est vrai qu'on en a parlé la meuf tout à l'heure. Du moment, on a fait le remix, c'était la meuf du frigo. Voilà, la meuf à qui tu payes le frigo. Qui est Lamine alors? Lamine, c'est mon petit loubar que j'ai pris sous mon aile, que j'ai rencontré en Thaïlande il y a 5 ans. Qui me suit partout, c'est un petit pigeon blessé avec l'aile cassée. Je lui ai recollé sa petite aile. Il a l'air d'aller beaucoup mieux quand même. Ouais, ça va mieux. C'est un beau petit ptérodactyle. Non, bah, il me suit partout, il a été mon backer, il a été mon DJ dans mon bar, il a été mon intendant, il a été mon coloc, il a été mon fils quelque part. C'est ça, tu t'es bien occupé de lui. Mais j'ai rien fait à sa mère, rassure-toi, je lui ai pas offert de machine à laver. Yuba, Yuba. Ah, c'est la famille. Dédicace à Fatima. Je laisse régler votre linge sale en famille, hein, vous débrouillez. Lamine, donc, elle a aussi avec nous ce soir dans le Planète Rap. Avant de se quitter, avant de finir avec le set Gecko Bar, tu sais ce qu'on peut faire, comme là l'album sort dans quelques heures, peut-être remettre le medley, comme ça on va vraiment se plonger dedans. Allez-y. Et on va avoir un aperçu de ce qui vous attend d'ici quelques heures avec l'album de set Gecko. Voilà, le nez dans la culotte du Gecko. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mais du gros son tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mais du gros son. Planet Rap. La meuf du moment. Tous les mecs rêvent de Ken. Pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Planet Rap. Grosse caisse, gros dérapage. Grosse rafale sur videur, t'as gros recalage. Entre toi et moi, trop de décalage. Les têtes vont tomber, et la gage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On chabonne comme les Shintawas. On chabonne comme les Shintawas. On chabonne comme les Shintawas. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. C'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Faites du bruit pour mon val d'oseille. Comment on fait, monsieur l'argent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes. Flèche, j'ai pété trop clean. Pas de toile, pas de microbe, donc j'aime les meufs qui s'épilent. J'ai pété trop clean, j'ai pété trop fraîche. J'aime quand on les guide, explose tes grosses fesses. On m'avait dit étant petit, la vérité est dandine. Toute la jeunesse est dandine, le gomme de chiche est dandine. Ça c'est du rap de titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Je suis dans les faits divers, je nique ta mère comme Joe Star. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai sorti toutes les punchlines comme un gros gamin. J'habite sous le sunshine comme un gros gamin. J'paiera la main dans le bus line comme un gros gamin. Boulette comme une boulette en métal. Foulette comme une levée en bécane. Posé dans le vide, on me cale. On aime les soubrettes. Soubrette en état, ma plan est mal. Si je ne te tue pas, c'est que j'en ai pas le droit. Je rentre pas à cage, je sens pas le toit. Et ouais, mon raclo, je parle de toi. Si je ne te tue pas, c'est que j'en ai pas le droit. Planète Rap. Voilà ce qui vous attend pour Professeur Punchline, la sortie de l'album de Seth Gecko. C'est pas mal cette idée du medley là. Et écoute, c'était bien, on était bien plongé dedans. Lourd. Et avant de se quitter, alors, dernier titre. Voilà. Un morceau d'écorché vif. Je pense que c'est le meilleur support à Skyrock pour passer ce morceau. Les démons de Jésus. Les démons de Jésus. Ouais. Qui est né à quel moment dans la construction de l'album celui-ci? Ouais, en plein milieu de l'album. Où j'avais envie de faire des morceaux un peu perso aussi. Mmh. Pour changer un petit peu, ouais. Pour donner les différentes facettes de ce que je sais faire en fait. On va l'écouter maintenant. Vous réagissez avec le hashtag 7Gecko sur Skyrock, les démons de Jésus. Inédit. Et on fera tourner la roulette juste après. Exclu dans Planète Rap, c'est 7Gecko. Ça sort là tout à l'heure. Professeur Punchline. Respecter en mettant quelques droites, ma vie finira emballée dans quelques boîtes. Alors je kick ce rap comme possédé par un démon. La prison est une michetonneuse, gare à terron. Que personne vienne m'interrompre, on pense qu'à rapéon. C'est tout ce que le diable a une tête d'ange, Joff Baratheon. Même si tu voles mes rimes, t'as même pas la théon. Donne une arme au guedin, et c'est l'Armageddon. Et il sera trop tard quand ces abrutis verront. C'est mieux de marcher en silence avec les hommes de Dieu que de rouler avec Satan en Bugatti Veyron. Mais en enfer, ces messieurs, ils verront du feu. Moi j'ai la bouche en feu. Je crois que j'envoie une rime, mais j'envoie une flamme. Quand Satan est absent, il envoie une femme. Le feu va pas en prison, mais fait peur aux gendarmes. Petit écolier de rue, je suis devenu prof de la punchline. On m'avait dit et tanti, la vérité est dans le deal. Toute la jeunesse est dans le deal, le gobe de shit est dans le jean. On m'avait dit et tanti, la vérité est dans le deal. Mais toute la jeunesse est dans le deal. Ressens ma mélancolie, pas croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis. Appelle-moi 7 Gex, Nico ou Laconi. Mon stylo crie à l'agonie comme Tiken Jaff à Coli. On veut le paradis mais y'a ni panneau ni indication. Je n'attends d'eux, ni cadeau ni invitation. Les petits bacheliers font de mes punchlines des citations. Je perds à la haine que j'ai en moi, pas son incitation. Mais néanmoins quand je vois un petit, je tente de l'aiguiller. J'ai pas de fans, j'ai que des écuyers. Pleurer, j'ai jamais réussi, pourtant j'ai essayé. Ne verse pas de larmes pour quelqu'un qui ne sera pas là pour les essuyer. Ne verse pas de sueur pour devenir l'ouvrier du mois. Être l'esclave de son patron, c'est être le bouclier du roi. Obéir à leur loi, personne peut m'y forcer. J'suis marié à la rue, pas prêt de divorcer. On m'avait dit et tanti, la vérité est dans le deal. La jeunesse est dans le deal, le gobe de shit est dans le jean. On m'avait dit et tanti, la vérité est dans le deal. Mais toute la jeunesse est dans le deal. Yeah. On m'avait dit et tanti, la vérité est dans le deal. Mais toute la jeunesse est dans le deal, bloc de shit dans le jean. La vérité est dans le din. Ah. La vérité est dans le din. Voilà ce morceau un peu plus profond. Voilà. Comme ça qu'on peut le définir. C'est comme ça qu'il faut annoncer ce morceau. Et finir avec un dernier message aussi qui est arrivé en disant les punchlines, tu voulais chercher où? Sérieux, parce que tout ce que tu sors, ça m'interpelle tout le temps. Voilà. C'est le but du jeu. Voilà, c'est le but du jeu. C'est d'interpeller, de provoquer chez l'auditeur de la stupéfaction. Ou autre chose. Ouais, de la stupeur, de l'humour, de la peur. Et ben merci pour cette soirée encore, Seth Gecko. Merci à vous. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Allez. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu en concert près de chez toi. Avec Amandine de Cholet. Salut Amandine. Salut Fred. Salut Seth Gecko. Salut toi. Salut toi. Comment ça va Amandine? Bah ça va super et vous? Eh bah écoute bien aussi. Tu entends, l'album de Seth Gecko sera dans les bacs là d'ici quelques heures. Professeur Punchline. Et toi tu viens nous faire un joli stop dès que tu veux. Tu dis stop, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter sur la case c'est... Voilà, tournée de Nekfeu, il y a deux places, Amandine. Ah, oh, super. Du côté de Nantes, je pense que c'est le plus simple pour toi, Cholet-Nantes, c'est le plus simple. Ouais, tout à fait, ouais. Et bah voilà, parfait. Deux places, on te fait un bisou. Ouais, bisous à vous. Puis j'ai commandé le coffret de 7 Gecko, bien sûr. Alors, Amandine, tu déchires. Amandine, franchement. Et si le t-shirt il est trop grand, tu le découpes, tu te fais une robe avec, tu le customises. Et ça fait bien, parce que c'est sexy sur les mains. Ça te fait un peignoir en sortant du bain ou. Ou autre. Voilà, une robe de chambre. Oui, ou autre. Tout dépend de ta taille. Voilà. Oui, oui, Amandine. On pourrait lui aller si. On sait jamais. Voilà. Merci Amandine, ciao, passe une bonne merci soirée. Merci pour le soutien, Amandine, t'assures à moi. Oh, c'est normal, tu déchires aussi, donc il faut bien ça. Tu vas me faire rougir. Beaucoup d'amour, tant mieux. Professeur Punchline, ça arrive. Merci, Seth Gecko, pour cette soirée. Merci à vous. Demain, la dernière à pas louper. Voilà, l'album sera déjà sorti. On rappelle que le 20 novembre, t'es aussi en concert au Trabendo Bendo. Voilà. 20 novembre, et sinon je suis demain soir au Luxembourg, au Black and White et à Nancy dans le White Club. Voilà, pour ceux qui veulent voir des morceaux comme Val d'Oseille ou. En live, tout ça. Merci Seth Gecko pour cette soirée. On va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là connecté avec toute l'équipe. Mais ouais, connecté avec toute l'équipe. En pleine forme. Je serai au Grand Journal aussi demain. Salut Seth Gecko. Tu seras partout. Tu seras partout. Luxembourg, Grand Journal, Skyrock, dans les bacs et dans les blocs. Et dans les bacs et dans les blocs. Il va falloir que tu les aides à remonter un peu l'audience. Ça va leur faire du bien. C'est ce que j'ai lu en plus hier. C'est juste voilà. On va faire péter l'audimat. Voilà, faut faire péter l'audimat demain quand même. Et des 20h aussi, Seth. Hein. Aussi, pareil. Compte sur toi. Allez. Bon, t'as passé le nouveau lacrime, Fredo ? Ouais, j'ai mal. T'as mal ? Non, pas mal. Lacrime. Il fait mal. C'est le nom du morceau, c'est j'ai mal. Si vous l'avez loupé, on se le remettra. Ouais, terrible morceau. Nouveau Lacrime. Et on a le nouveau Jul aussi à vous passer. Aussi, dis donc. Qu'on va se passer d'ici pas très longtemps. Que de nouveautés, que de sorties qui arrivent. Il y a des grosses exclus ce soir sur Skyrock. C'est seulement sur Sky. C'est avec toute l'équipe. C'est la radio libre. C'est au 01 53 40 30 20. Ah, il y a des messages pour Benzema, tout ça. Merci Soso 75. Vous pouvez donner votre avis là-dessus. Sur tout le reste aussi, vous pouvez nous appeler. Allez-y, 01 53 40 30 20. L'équipe vous attend. 7, on t'attend demain à partir de 20h, Planète Rap. Même endroit, même heure. Ouais, même endroit, même heure. Skyrock, 20h. Et là, c'est parti jusqu'à minuit. Radio Libre, salut Fredo, à demain. Ciao.